Le rendez-vous des sans-sommeil, c'est votre rendez-vous 0240 12 09 12 pour nous parler de vous, de votre vie, de vos joies, de vos malheurs, de vos bonheurs. N'hésitez pas, nous sommes là pour discuter avec vous, pour vous entendre et surtout partager un peu de votre vie et de vos émotions. Justement, quelqu'un veut nous faire partager un petit peu ses émotions à minuit 45. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gilles. Gilles? Gilles, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai une envie de parler, de communiquer avec avec mes contemporains, parce que enfin dans les, vous savez ce que c'est, les sociétés actuelles, tu veux déshumaniser dans les grands ensembles urbains, c'est difficile de trouver c'est difficile de trouver une oreille attentive. Je suis là pour vous écouter. Une bouche qui donne les solutions aux problèmes. Je suis là pour vous écouter, ma bouche est là pour donner. Si je peux techniquement, si vous pouvez vous rapprocher de votre combine, on vous entend assez mal. C'est possible. Gilles, vous m'entendez mieux peut-être maintenant. Un peu mieux. Gilles, vous avez des problèmes avec les gens alentour? Et pas qu'alentour, aussi ailleurs. Je suis assez seul en fait. Disons que le problème j'ai plus l'impression du fait de rencontrer peu de gens que le problème vient de moi puisque des autres. C'est surtout, le problème vient de... Libérez-vous, Gilles, libérez-vous, faites éclater la muraille qui vous emprisonne, la muraille qui vous enferme, qui vous recroqueville sur vous-même. Dites-nous exactement qu'est-ce qui, en vous, d'après vous, gêne votre relation avec les autres et avec d'autres personnes également. Je ne sais que dire. C'est-à-dire, j'ai... Votre élocution, peut-être. Je me sens seul et à la fois, je me sens plusieurs. Plusieurs. J'ai tout le temps l'impression d'être comme observé, comme suivi. Et vous êtes là? Oui, non, je suis là. Je vous écoutais, Gilles. Je sens rire. C'est déjà assez difficile de parler de mes problèmes devant des millions d'auditeurs, Gilles, certainement. Avez-vous coupé la radio derrière vous? Oui. C'est étrange. C'est étrange de couper sa radio, c'est là où vous voulez. Non, nous avons un son bizarre. Gilles, il y a comme un écho, comme quelque chose, une voix peut-être même venue d'outre-tombe. Je ne veux pas vous effrayer, vous Gilles. Je l'entends. Vous entendez cette voix? Vous entendez quelque chose qui... Exactement, nous entendons. Qui ne serait pas ma voix. Nous entendons, ce n'est pas votre voix, Gilles. Qui suivrait ma voix. C'est comme un écho, comme si vous étiez au bord du Grand Canyon ou au bord d'une cuvette de toilette très large. Une sorte de parasite vocal. Un parasite vocal, exactement, qui est très très très bien, très bien fait par ailleurs, Gilles. Écoutez, vous me... je sais pas quoi vous dire, c'est... j'ai jamais osé vraiment en parler. Et d'ailleurs, c'est pas de ce problème-là que je voulais parler ce soir, mais c'est quelque chose qui m'habite vous entendez cette voix et nous l'entendons. On a entendu très clairement beat. Comme je l'entends c'est merci. Je ne sais pas qui vous êtes, c'est-à-dire j'ai allumé la radio par hasard et ça me fait véritablement beaucoup de plaisir d'avoir une oreille attentive. Écoutez, je suis là, je suis tout oui. C'est le rendez-vous des sans-sommeil, Gilles, c'est votre émission. Je ne sais pas trouver autant de réconfort en votre personne, c'est-à-dire... C'est la première fois que ça m'arrive. Gilles. Je sais, peut-être avez-vous des idées Suggérez, j'en suis, parlez-moi, dites-moi quelque chose. Gilles, j'étais en train de réfléchir à mon fort intérieur et arrêtez de souffler comme un porc. Je vous en prie, Gilles, ça me déstabilise. J'en suis très touché et j'ai les jambes qui se croisent. Vous aussi? Oui, c'est-à-dire, quelle partie de votre corps? Les lèvres? Gilles, vous avez un potentiel énorme. Vous avez un cadeau qui vous a été offert. Un potentiel énorme. Je peux te faire atteindre le Nirvana, le 7ème ciel si tu veux. Rejoins-moi. J'habite sur Nantes. J'ai l'impression. Dans le centre-ville. Gilles, calme-toi. Gilles, nous sommes pas là pour ça. C'est étrange, quand il s'éteint, il n'a plus cet écho assez caractéristique du Gilles. Exactement, oui. Pourtant, moi, j'étais prêt à lui proposer de faire. Ah oui, un... ah oui. L'écho revient. Je pense que Gilles nous offre un fort triste spectacle. Je t'en mets dans ma main. Et pourtant, Et pourtant, des gens seuls, on en a dans cette émission, ils savent pourtant se tenir. Je pense que Gilles. Excusez-moi, il y a eu comme un petit. Moment d'égarement de flottement, je voulais juste dire que le rendez-vous est sans sommeil, vous l'avez compris, c'est un voyage en vous et également dans les autres. En toi, oui. En toi, ma belle. Gilles, je vous en prie. Je vous en prie, Marco, coupez cette énergie. Je t'assurerai pas que ce soit pas la prochaine fois. Mon Dieu. Heureusement, ces gens sont rares. Ce n'est pas la majorité de nos auditeurs. Et voyez ce que nous avons enduré par moment. Dieu nous en garde. Le rendez-vous des sans-sommeil arrive bientôt à sa fin. Il vous reste quelques minutes pour appeler 02 42 09 12. Vous nous parlez de vous, de vos problèmes, de vos coups de cœur, de vos moments de bonheur. De... Je parlais d'autre chose. C'est bon, il est encore là. Je J'ai pense peur que de la musique dans cette émission. De la musique. 02 42 09 12. Appelez-nous, nous parlerons avec vous. Nous ferons notre possible pour garder notre sérieux et surtout ne pas nous moquer de votre infirmité. Surtout d'avoir des poumons très très grands.